Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal et bienvenue. Voici les grands titres de cette édition. Le député Agathon Rwasa estime que la mise en place de la commission d'amendement de la Constitution est précipitée par rapport aux autres questions urgentes à résoudre, notamment celles liées à la crise actuelle. Et le projet de loi portant révision du code de procédure pénale prévoit une perquisition sans mandat, une perquisition de nuit, une perquisition numérique en ligne. Vous en saurez davantage. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres tenu du 10 au 12 courant. Et puis, c'est ce mardi qu'ont eu lieu les cérémonies d'inhumation de l'abbé Adolphe Naoundéréyé, décédé des suites des mauvais traitements subis pendant son enlèvement 3 semaines avant qu'il ne soit remis à sa famille à présent séjour en République démocratique du Congo. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Oh bonjour, c'est ce mardi qu'ont eu lieu les cérémonies d'inhumation de l'abbé Adolphe Naoundéréyé qui prestait à la paroisse Gatumba, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Les cérémonies ont débuté par une messe d'action de grâce qui a été dite à la cathédrale Regina Mundi par l'évêque de Bujumbura, Mgr Evariste Ngoyagoye, en compagnie de l'évêque de Muyinga et beaucoup d'autres prêtres du diocèse de Bujumbura pour la plupart, ainsi que des confrères venus des paroisses où feu abbé Adolphe a presté à travers le pays. Il faut également noter la présence à ces cérémonies de son père, des membres de sa famille biologique ainsi que beaucoup de fidèles de la paroisse Gatumba. Vous saurez que l'abbé Adolphe Naoundéréyé est décédé le 10 mai dernier des suites des traitements inhumains que lui avaient infligés ses ravisseurs 3 semaines avant. Rappelons aussi qu'il avait été enlevé avec 4 autres personnes le dimanche des Rameaux et a séjourné en République démocratique du Congo avant d'être remis à sa famille après 3 semaines de captivité. Feu abbé Adolphe Naoundéréyé était né le 25 juillet 1957. Les Burundais ne devraient pas se précipiter à amender la Constitution. Ils devraient plutôt s'asseoir pour trouver une solution à la crise à laquelle fait face le pays et s'entendre sur le projet d'amendement de ce texte de loi. Cet avis est celui du député Agathon Rwasa, dont la coalition qu'il dirige est représentée au sein de la commission chargée d'amender la Constitution. Une commission mise en place la semaine dernière par le chef de l'État. Le député Agathon Rwasa trouve que le dialogue d'Arusha devrait être accéléré pour que les clauses de ce processus soient une référence dans d'éventuels amendements qu'on opérerait par rapport à la Constitution. Suivez Agathon Rwasa. Aujourd'hui, il y a une bonne partie de Burundais qui sont en exil. Il y a un processus qui peine à avancer à Arusha, qui devrait réunir ceux de l'intérieur et ceux de la diaspora pour essayer de converger vers les mêmes points de vue pour qu'on puisse cheminer ensemble vers les prochaines échéances électorales. Donc, je pense que la bonne démarche serait plutôt d'accélérer le processus du dialogue pour qu'on se réfère aux résultats du dialogue, pour qu'on tienne compte aussi des résultats du dialogue dans d'éventuels amendements qu'on opérerait par rapport à la Constitution. Et si votre appel n'est pas pris en compte, qu'est-ce que vous comptez faire? Je n'irai pas dire que nous allons faire ceci, cela, mais de toute façon, s'il s'avérait que la démarche enclenchée va dans la nature juste de satisfaire les intérêts égoïstes ou égocentriques de quelques-uns ou de quelqu'un, ça ne vaudrait pas la peine de continuer à dépasser son énergie et son temps dans une aventure qui ne serait pas porteuse d'un bon avenir pour le Burundi. Donc, en un mot, vous allez vous retirer de la commission. S'il advient que le comportement ou la position qui s'y est celle-là, on n'hésiterait pas de le faire. Agathon Rwasa, qui répondait aux questions d'Evariste Nzikobanyanga. Et après 6 mois d'incarcération à la prison centrale de Gitega, alors libérée la semaine passée, 2 hommes membres de la coalition Amizero Y'Abarundi à Gitega ont été de nouveau arrêtés par la police dans l'après-midi de ce lundi. C'est ce qu'indique le député Terence Manirambona, élu dans la circonscription de Gitega. Cet élu du peuple du côté de la coalition Amizero Y'Abarundi trouve que cette arrestation prouve à suffisance la persécution des membres des familles politiques de l'opposition. Il demande la libération sans condition de ces 2 personnes. Depuis hier, vers 16h passées, quelques minutes, j'ai eu écho que 2 personnes, à savoir Edouard Nzambimana et Abdeslam Kwigura, qui avaient été relâchés par la justice il y a une semaine, c'était mercredi de la semaine passée, venaient d'être encore une fois arrêtés par la police. Alors, c'est déplorable de voir que la justice relâche les gens. Et voilà que dans le laps de temps, à moins d'une semaine, ces mêmes gens sont encore arrêtés. Alors les mobiles, j'ai essayé de contacter, que ce soit à la police ou à la justice. À la police, on m'a dit qu'on a des informations à vérifier sur eux. Mais aussi à la justice, on m'a dit qu'on les a libérés après avoir vu que vraiment ils n'avaient pas d'autres éléments à leur charge comme c'était avant. Alors moi, je ne comprends pas pourquoi alors. À la documentation, on parle qu'on a des informations sur eux, alors qu'ils viennent de passer 6 mois en prison. À partir du 16 octobre 2016, ils ont été libérés le 10 mai de cette année. Alors, ils n'ont pas eu des informations qui pouvaient montrer que ces gens étaient des éléments perturbateurs de la sécurité de la province de Gitega. Qu'est-ce que vous demandez pour le moment? Je demande d'abord que ces gens soient libérés sans condition. Si la justice, elle, avait constaté que ces gens-là n'avaient pas trempé dans des actions de déstabiliser la sécurité de la province, je ne comprends pas vraiment pourquoi, après, en moins d'une semaine, que ces gens étaient libérés, soient encore arrêtés. Je demande alors que la justice soit faite et qu'on laisse les gens vraiment libres de leur mouvement, de jouir de leur vie en toute quiétude, sans pour autant vraiment contraindre les gens à toujours vivre dans une peur panique. Le député Terence Emmanuel Mbona, élu dans la circonscription de Gitega pour le compte de la coalition Mizero Yabarundi, au téléphone avec Evariste Nzikobanyanga. Il est 13h03 à Bujumbura. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les organisations de la société civile œuvrant dans le même champ d'action que la commission Vérité et Réconciliation vont apporter leur contribution au travail confié à cette commission via une plateforme. Selon Silver Nakarutimana, qui a représenté la CVR dans une séance d'échange avec les représentants de la société civile ce mardi, cette commission a proposé la création de cette plateforme dans le but de faciliter la collaboration et cela apportera un gain important dans l'accomplissement de la mission de la CVR, précise Silver Nakarutimana. La CVR ayant déjà constaté qu'il y avait beaucoup de demandes de partenariat de la part des organisations de la société civile qui devenaient de plus en plus nombreuses, a décidé de proposer aux organisations de la société civile de se former en plateforme pour avoir un cadre de collaboration, un cadre de concertation, un cadre de communication pour essayer de véhiculer les opinions des organisations de la société civile et même canaliser les différentes aides que la société civile pourrait apporter à la commission en train de réaliser ses missions. Vous savez que la CVR est composée par 11 commissaires. Ces 11 commissaires sont, en termes de nombre, insuffisants pour parcourir tout le territoire burundais. C'est-à-dire que les organisations de la société civile, qui ont déjà une expérience, qui ont déjà réalisé certaines activités qui se trouvent être inscrites dans la loi comme des activités de la CVR, si elles sont déjà réalisées, la CVR n'a pas besoin de reprendre le même travail et elle peut partir de l'expérience d'une organisation quelconque pour bâtir comme une base ses réalisations, mais elle ne doit pas nécessairement prendre pour une vérité d'évangile le travail qui a été effectué par une organisation de la société civile. Elle a le droit de regard sur ce qui a été déjà fait pour voir si ça correspond exactement à ce que la loi lui demande de faire. Et s'il y a des rectifications à faire, la commission pourra le faire, mais s'il faut que la commission s'approprie ce travail-là, à partir du moment où elle est conforme à ce que la loi demande à la CVR, cela c'est de bonne guerre. Sylvère Nakortumana de la commission Vérité et Réconciliation, dont les propos ont été recueillis par Pascal Niyoyangonze. Les 5 000 francs qui sont payés par les conducteurs de bus pour être approvisionnés en carburant à la station Interpétrole du quartier asiatique sont légitimes car cela est ressorti des discussions entre l'Association des transporteurs du Burundi et les conducteurs de bus. Et cela est dit par Daniel Mitawakana, il est directeur chargé du carburant au sein du ministère de l'Énergie et des Mines. Il le dit après que certains conducteurs se soient lamentés qu'on leur fait payer cet argent, ce qui a été démenti par le président de l'Atrabo, même si les réussites qui sont données portent le cachet de l'Atrabo. On fait le point avec Alida Naïket. Parmi ces conducteurs de bus, il y a ceux qui ont déjà payé ces 5 000 francs pour avoir du carburant et d'autres à qui on n'a pas donné d'explication quant à la destination de cet argent, comme l'indique l'un d'eux. Si tu ne payes pas ces 5 000 francs, on ne te donne pas de carburant. On ne nous a pas donné d'explication. Je n'ai pas encore payé, mais tous les conducteurs qui sont passés par ici ont dû payer pour être servis en carburant. On nous a dit qu'ils sont en train d'élaborer des fiches, mais nous ne comprenons pas qui gère cette station entre Interpetrol et Atrabou. Daniel Mitabakana, directeur chargé de la gestion du carburant, indique que le paiement de cet argent ressort des échanges entre les dirigeants de l'Atrabou et ses conducteurs. Ce qu'ils nous ont dit, les dirigeants de l'Atrabou et les chauffeurs ont analysé la situation actuelle qui pousse les conducteurs d'Obis à s'approvisionner à une seule station. Ils se sont mis d'accord pour bien superviser le travail de distribution du carburant et il a fallu dépêcher une équipe qui allait faire ce travail. Il faut que les membres de cette équipe mangent à midi. Donc, il leur fallait trouver de l'argent. Moi, je ne comprends pas pourquoi le président de l'Atrabou vous a dit le contraire alors qu'il l'avait avoué devant nous. Bosco Minani, président de l'Atrabou, avait parlé ce lundi au micro de la radio Isanganiro qu'ils ne perçoivent pas cet argent, que plutôt ils sont en train de dresser des listes de contrôle du carburant. Dans notre association, on est en train de dresser des listes de tous les véhicules qui font le transport. C'est pour connaître la quantité de carburant qui est consommé par ces bus. De plus, ces listes sont transférées à notre ministère de tutelle. On ne fait pas payer ces listes et au sein de notre association, on s'engage à punir sévèrement celui qui sera attrapé en train de percevoir les 5 000 francs. Les reçus qui sont donnés à ces conducteurs de bus après paiement de 5 000 francs portent le cachet de l'Atrabou. Merci Alida Ndaïkeza. Et pour le président de l'Organisation pour la lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM, ça c'est de la pure corruption. Gabriel Rufiri demande que le ministère du Transport prenne en main cette question. L'OLUCOM a eu beaucoup d'informations en rapport avec cette situation où les véhicules de transport des personnes, quand ils vont s'approvisionner du carburant, auraient des demandes de l'argent pour qu'ils soient mis sur la liste établie par l'association des transporteurs à Trabou. Pour nous, nous voyons que c'est un vol organisé au moment où dans cette association, mais sur une liste en véhicule, et malheureusement, ce véhicule, une fois qu'il est mis sur cette liste, il va s'approvisionner et faire au plein, mais ça c'est la matinée, vers 14h, il dit que donc le carburant est fini. Nous voyons qu'il vide le véhicule, raison pour laquelle nous demandons à ce que donc, ce phénomène soit arrêté dans l'immédiat. Plutôt, nous demandons à ce que le ministère des Transports, Postes et Télécommunications, le ministère du Commerce et celui des Finances et celui de l'énergie et des Mines, puisse en fait agir dans les médias, sinon nous voyons que le peuple burundais est en train de souffrir davantage. Pour Gabriel Rufiri, ce que fait l'Atrabou n'est autre qu'une raquette de la population. Encore une fois, Gabriel Rufiri. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Ces associations de transporteurs souvent font ce genre de raquettes. Comme je le disais tantôt, l'association des motards du Burundi l'a fait pour les plaques et autres. L'association des taxis motos l'a fait, mais on a dénoncé. Vous avez vu que le ministère des Transports a arrêté ça. Nous demandons de même que ce phénomène soit arrêté parce que c'est un phénomène qui condamne les citoyens burundais qui croupit déjà dans une misère sans nom. Donc, il y a d'abord un système de corruption organisé d'un côté, mais de l'autre côté, il y a donc l'augmentation des prix et le vol du carburant qui va à Buyenzi parce que le véhicule est rempli le plein deux fois par jour, alors qu'il fait la circulation locale en ville, ce qui est inconcevable. Gabriel Rufiri, c'est le président de l'OLUCOM. 13h12 à Bujumbura. Le projet de loi portant révision du code de procédure pénale prévoit une perquisition sans mandat, une perquisition de nuit, une perquisition numérique et en ligne. Et ceci ressort du Conseil des ministres tenu du 10 au 12 courant. Le Conseil a également analysé deux autres projets de loi. La pénurie du carburant qui s'observe a également été discutée dans les divers. Mireille Kanyang. Eh bien, Jean Bosco, ce conseil justement s'est tenu en date du 10 au 12 courant sous la présidence du numéro 1 burundais et 7 points ont été analysés. Parmi ces points, l'on peut citer deux projets de loi, l'un portant mission, composition, organisation et fonctionnement de l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, ainsi que le projet de loi régissant le Conseil national pour l'unité nationale et la réconciliation. Selon ce conseil, la Constitution de la République du Burundi de mars 2015 prévoit en son article 268 qu'en vue d'assurer une large participation des citoyens à la gestion des affaires publiques, l'État met en place des conseils nationaux, notamment les deux qui ont été analysés par le Conseil des ministres et les trois autres qui sont déjà fonctionnels, à savoir le Conseil national de sécurité, le Conseil économique et social et le Conseil national de la communication. L'autre point, Jean Bosco, qui a été analysé par le Conseil des ministres est le projet de loi portant révision du code de procédure pénale présenté par la ministre de la Justice. Et le Conseil a noté que le code de procédure pénale actuel date d'avril 2013 et que même si cette loi semble récente, que l'on constate une évolution de la criminalité au Burundi de telle sorte qu'il faut introduire de nouvelles règles dérogatoires au droit commun de la procédure pénale, spécialement en matière de perquisition. Eh bien, le Conseil a noté que le mandat de perquisition n'est pas requis et la perquisition de nuit autorisée. Ce projet de loi introduit également la perquisition numérique permettant aux autorités chargées de l'enquête de perquisitionner dans les systèmes informatiques et d'y saisir des données. Ce projet de loi prévoit également la perquisition en ligne opérée à partir du poste d'officier de police judiciaire vers le système où l'infraction a été commise ou vient de se commettre. Le projet de loi revoit à la baisse les délais en rapport avec la procédure suivie dans l'instruction et le jugement des crimes et délits flagrants ou réputés flagrants dans le sens de provoquer le jugement rapide de ces infractions. Eh bien, Jean Bosco, dans les divers, le ministre de l'Énergie et des Mines a indiqué que des mesures ont été prises pour faire face à la pénurie du carburant qui s'observe et le Conseil des ministres a recommandé qu'en attendant que la situation se normalise, qu'il faut prendre des mesures pour combattre énergiquement les fraudeurs et autres spéculateurs qui contribuent à aggraver la situation. Merci Mireille Kanyangé. En direct dans ce journal, et les délais de changement de l'ancien permis de conduire en permis de conduire biométrique sont prolongés jusqu'au 31 août 2017. Dans une ordonnance du ministre de la Sécurité publique, il est mentionné que dès le 1er septembre, seuls les détenteurs du permis de conduire biométrique seront autorisés de conduire les véhicules automoteurs. Et la conduite sans permis biométrique exposera le conducteur au paiement d'une amende, la saisie du véhicule et le retrait définitif de son permis de conduire. Par ailleurs, tout détenteur qui n'aura pas changé ce permis à cette date pourra le faire moyennant des pénalités de retard qui seront fixées par une ordonnance ministérielle conjointe du ministre de la Sécurité publique et du ministre ayant les finances dans ses attributions. On termine ce journal par cette correspondance de Gitega où le projet du programme alimentaire mondial d'aide des familles à s'auto-développer est bien apprécié par la population de la colline Nyamagana de la zone Mugera en commune de Bugendana. C'est dans la province de Gitega. Le chef de cette colline affirme que ce programme a tiré de la pauvreté beaucoup de ménages. Et au PAM Gitega, l'on indique que 3107 ménages ont bénéficié de ce projet, comme le rapporte notre correspondant Arthur Kavaouchi. Ce projet d'autodéveloppement du programme alimentaire mondial concerne essentiellement les familles vulnérables. Dans cette zone de Mugera, en période d'une année, les familles qui ont reçu cette aide ont été choisies en regardant le niveau de pauvreté et ont été choisies celles qui sont dans l'extrême pauvreté. Ces familles, à leur tour, choisissaient des projets à faire, puis le PAM donnait 44 000 francs par mois à chaque ménage. Les bénéficiaires de cette aide indiquent qu'ils n'avaient rien avant ce projet et que cet argent leur a aidé à construire des maisons décentes, acheter des vaches, contribuer à la scolarité des enfants ainsi que payer les soins de santé et pouvoir s'inscrire dans des caisses de mutualité. Ils demandent que ce projet puisse continuer et s'étendre dans toute la commune de Bugendana. Le chef de la colline Nyamagana, Joseph Muhangira, reconnaît l'importance de ce projet en montrant que beaucoup de ménages ont été tirés de la pauvreté. Une autre chose est qu'avec ce projet, les hommes ont changé de comportement en focalisant leur attention aux travaux de développement communautaire et de leur famille, alors qu'avant, ils mettaient dans la bière tout ce qui pouvait aider au développement de leur famille. Il conseille à ses dirigeants de continuer dans cette voie du fait que même la sécurité s'est améliorée. À la PAM Gitega, il faut savoir que ce projet a débuté dans la zone Mugera pendant une année et qu'il est dans sa première phase et qu'il a aidé 3107 ménages. Ils indiquent qu'ils comptent étendre ce projet dans toutes les communes de la province de Gitega. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur, et c'est sur cette correspondance que nous refermons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Eric Ouimana. Nous lui disons merci au micro, Jean Bosco Ndouimana. Nous vous souhaitons de passer un bon après-midi.